La pie de l'hôtel de ville par le fabuliste. Une pie avait fait son nid, place de Grève, dans le plus beau palais au bord de la Seine. Cet oiseau noir et blanc ne faisait que sans trêve amasser les brillants dont sa cache était pleine. Robe de chez Dior, manteau de belle marque, la pie entassait tout dans sa haute demeure. « Il faut, disait-elle avec ses airs monarques, que Paris par ma mise éblouisse à toute heure. Quand viennent jusqu'ici les princes de la terre, puis-je les recevoir en simple volatile? Non, ma garde-robe est chose nécessaire, pour l'honneur de ma charge et celle de ma belle ville. » Un moineau journaliste qui passait par hasard lui dit « Cher Pie, vos plumes sont bien belles, mais ce luxe brillant qu'on voit de toutes parts, c'est du grain de la ville qui paye vos dentelles. Les oiseaux travailleurs du commun plumage payent de leur poche, eux, leur humble vêture, sans pouvoir déduire de leur maigre gage le moindre brin de paille ou simple couverture. » La pie se rengorgeant, « Pauvre sot, lui dit-elle, ces frais de plume sont pour représenter. Quand je brille ainsi, de beauté naturelle, c'est Paris tout entier qui peut bien s'en vanter. » Tandis que Dame Pie se parait de merveilles, la dette de Paris grossissait sans pareil, de 4 à 9 milliards doublés en quelques ans. Mais l'oiseau continuait ses achats élégants. Le hibou des comptes vint dire en son langage « Hola, madame, vos caisses sont à sec. Il faut cesser bientôt ce coûteux babillage, ou c'est la ville entière qui courra l'échec. » Mais notre Pie, s'ouvrant de la sage sentence, continua de plus belle à piller le trésor, prêchant aux humbles la noble tempérance, elle qui dépensait sans nul remords encore. Prêcher pour les gueux en robe de soie, voilà ce qu'à gauche on nomme être de bonne foi. C'était la pie de l'hôtel de ville par le fabuliste.